irrésistible qui fait peur. Comme la fraîche rue mirage, arrivant en plein jour. Le vent de la mer est jeune. Le vent de l'âme.